On dit qu'on a tout, mais on doute plus qu'on avance. Même de 25, je me regarde comme un miroir qui penche. J'suis né dans un monde qui se met à jour chaque seconde. On court pour exister, on se perd dans ce que tout le monde montre. On cherche l'amour, mais on like plus qu'on s'attache. On veut être fort, mais on craque seul sous les orages. Les parents comprennent pas le poids qu'on porte au cœur. On rit sur écran, mais dans le réel on cache nos peurs. Les nuits sont longues, les pensées tapent comme des balles. Survie, j'avance, même quand tout devient bancal. On est jeunes zen, on tient debout dans les tempêtes. On cache nos larmes, on sourit comme si tout s'arrête. On survit, même quand le monde nous laisse derrière. On avance, même quand le futur fait pas la lumière. Je vois des potes tomber, d'autres disparaître sans bruit. La vie va vite, on suit mal, on se perd dans la nuit. Parle d'avenir, mais on sait pas si ça existe. On fait genre d'y croire, mais le doute nous résiste. On rêve d'être libre, mais les chaînes sont invisibles. On veut être fort, mais nos failles restent invincibles. On garde l'espoir comme un secret dans nos pensées. On continue de se battre même quand le monde veut nous briser. On est jeunes Z, on tient debout dans les tempêtes. On cache nos larmes, on sourit comme si tout s'arrête. On survit, même quand le monde nous laisse derrière. On avance, même quand le futur fait pas la lumière. On tombe, on se relève, c'est ce qu'on a toujours fait. Jeunes et survivants, même quand l'avenir.